Chapitre 6e. Ce jour-là et le suivant, Madame Roget vit à peine son mari. Sous prétexte de s'occuper de l'enterrement, il fuyait sa demeure où sans cesse il craignait de laisser éclater sa douleur. Où allait-il? Par les quais, sans doute, par les rues, par les boulevards, partout où vont errer les malheureux qui demandent au bruit de bercer leur chagrin, au mouvement de l'abattre, et dont les pieds se fatiguent sans but sur les trottoirs. Quand il rentrait, c'était pour prendre Claire dans ses bras et la serrer contre lui. Il ne remarquait ni la méfiance, ni la froideur de sa femme. Il ne répondait pas à ses questions. « D'où viens-tu ? » lui demanda-t-elle. Il la regardait d'un air hébété, balbutiait avec effort. « Les pompes funèbres, l'état civil. » Elle reprenait. « As-tu faim ?» Il secouait la tête. « Tu as déjeuné ? » ?»« Oui, au restaurant. » Le soir du second jour, l'ayant trouvée accablée dans un fauteuil et tout en larmes, elle ne put s'empêcher de s'écrier « Comme tu la pleures ! Pourtant ce n'était qu'une étrangère, que ferais-tu pour moi ?» Il ne remarqua pas le ton amer dont elle dit ces paroles et, dans un grand besoin d'être consolée, il lui serra la main tendrement. « Tu disais autrefois, fit-elle, qu'il ne faut jamais s'approfondir sur les choses pénibles, qu'on ne peut pas changer. » Il murmura « Autrefois, autrefois. » Et sa pensée éveillait des souvenirs tout proches, que la mort venait de rejeter dans l'éloignement formidable du jamais plus. L'enterrement qui eut lieu le lendemain matin fut très simple. Deux ou trois voisins, locataires ou fournisseurs, se trouvèrent seuls à suivre le convoi. Pas de parents, la morte n'étant plus de proche famille. Quant aux cousins éloignés, il n'en parut aucun. Le frère des colonies ne donna pas non plus signe de vie. Madame Roget, qui avait ses plans, se déclara trop souffrante pour aller jusqu'au cimetière. À l'église, pendant l'office, tandis que les voix des prêtres résonnaient lugubrement dans le vide, elle ne cessa d'observer son mari. Le pauvre homme ne songeait point à se contraindre, il s'abandonnait, effondré, lamentable, sans aucun souci des yeux qu'il observait, ni de sa propre dignité. Elle pensa dans un mélange de mépris, de colère et d'envie, « Je l'aurais cru plus fort, il est lâche !» Puis peu à peu, à mesure que le service avançait, son sentiment se détendit. Être fort, c'est facile, dans le courant de la vie, quand les jours se succèdent, égaux et paisibles. Mais quand la douleur vous frappe et vous terrasse, quelle énergie faut-il pour la braver? Cette énergie, il ne l'avait pas, voilà tout. Il était faible, comme le sont la plupart des hommes. Elle s'attendrit sur cette faiblesse et murmura, comme il l'aimait. Ah, pourquoi donc ne savait-elle rien de cet amour que les larmes qu'il faisait verser? Pourquoi l'avait-elle ignoré pendant toutes les années où elle aurait pu s'irriter et le combattre? Car maintenant, que pouvait-elle? On ne se fâche pas contre une morte. La rancune s'arrête au tombeau. Un instant, elle s'attarda à cette idée d'indulgence, qui bientôt se modifia et se transforma. L'autre, en effet, n'était plus qu'une chose inerte, enfermée dans la boîte vernie, couverte d'un drap noir, qui tout à l'heure serait sous terre. Mais il restait le vivant, et sur celui-ci, que les mystérieux liens du regret attachaient encore à la disparue, mais que guettait l'oubli, la consolation, le désir de renouer sa vie, est-ce qu'elle, l'abandonnée, n'allait pas reprendre ses droits? Comme il l'aimerait de nouveau, comme il aurait besoin de son affection, le pauvre être qui sanglotait à genoux à deux pas d'elle. Demain, aujourd'hui déjà, tout à l'heure, quand il reviendrait tout meurtri du cimetière, avec son enfant qu'il ne pouvait avouer. Et si elle voulait se venger? Ah, certes, la vengeance ne lui serait pas difficile. Elle aurait le choix des moyens. Elle pourrait à son gré l'humilier, le torturer, le désespérer. Et justement, le prêtre donnait l'absoute. Son geste de pardon s'élargissait sur les bancs vides, comme s'il eût voulu l'étendre aux fautes des absents, à celles qui se cachent au fond des consciences, aux péchés mystérieux du cœur, dont la haine et la rancune sont aussi bien que le mensonge, la duplicité et l'adultère. Oui, la bénédiction divine qu'il invoquait semblait descendre sur toutes ces choses, comme le soleil qui brille sur les méchants et sur les bons. Un signe dans l'espace et le mal est effacé. Nous appartient-il donc d'être moins clément vers ceux qui nous ont offensés? Madame Roget agita l'aspersoir devant le cercueil, sortit, vit le cortège se reformer devant l'église neuve. Les trois ou quatre indifférents qui avaient suivi le service se dispersèrent. Le corbillard, où se balançaient deux ou trois couronnes, se remit en route en cahotant. Derrière, M. Roget était seul à marcher avec l'air qu'il tenait par la main. Il s'en allait, d'un pas lourd, les yeux mornes, l'air hébété, comme s'il reçut un grand coup sur la tête. Elle rentra. C'était l'heure d'exécuter son projet. Son mari avait endossé ses vêtements de cérémonie qu'il ne mettait presque jamais. Sûrement il aurait oublié, dans une de ses poches de la veille, la clé de son secrétaire. Madame Roger renvoya la bonne, sous prétexte d'emplette, et se trouva seule dans le petit appartement. En effet, la clé était restée dans la poche du gilet enlevée la veille. Quand elle l'eut dans la main, Madame Roger hésita un moment encore. Elle allait commettre une mauvaise action. Pourquoi ? Pourquoi, au lieu de fouiller les papiers de son mari, ne lui demandait-elle pas une franche explication ? Il ne la lui refuserait pas, le pauvre homme. Il lui dirait tout ce qu'elle voulait savoir. Il pleurerait sur ses genoux comme un enfant, comme Claire, aussi faible que la petite orpheline. Mais un reflux des passions cruelles qui, depuis 2 jours, agitaient son âme, emporta cette bonne inspiration. Elle voulait la vérité, toute la vérité, et ne voulait la tenir que d'elle seule, pour pouvoir le confondre, s'il osait mentir encore. Et, dans le premier tiroir qu'elle ouvrit, elle trouva un paquet de lettres, de longues lettres, sans signature, enfantine précaution, mais dont elle reconnut la main. Fiévreusement, elle se mit à lire, dans la rage d'aller jusqu'au bout, énervée de n'avoir devant elle qu'un temps limité, insuffisant peut-être, à déchiffrer toutes les pages, à tout lire, à tout apprendre ce que cette liasse allait lui révéler. Et ce fut ainsi qu'elle connut leur histoire. Oh, pas toutes, car une large part d'inconnus subsistait derrière ces feuilles couvertes d'une fine écriture penchée, régulière, correcte, rédigée en style élégant et simple, d'un accent plus tendre que passionné, et d'une décence, d'une retenue telle qu'elles semblaient à peine des lettres d'amour. Aucune ne racontait où ni comment ils s'étaient rencontrés. Sur les premiers temps de leur liaison, les renseignements manquaient, soit qu'en ces temps-là, ils ne s'écrivissent pas encore, soit que leurs premières lettres n'eussent pas été conservées. De ci, de là, quelques allusions des souvenirs qui s'éloignaient auraient pu seules jeter sur les incidents de cette première époque quelques lueurs incertaines. Cependant, le ton paisible de la correspondance montait tout à coup, au moment où la jeune femme devenait mère. À partir de ce moment-là, il restait plus tendre, comme frémissant, vibrant de sourdes angoisses. Un long intervalle entre les dates marquait la naissance de Claire. Et dès lors, c'était presque d'elle seule qu'il s'agissait. Les paroles d'amour ou même d'affection devenaient rares de plus en plus. Un sentiment nouveau les remplaçait, un sentiment unique, qui sans doute unissait les deux complices d'un lien plus solide et plus fort. Madame Roger releva le passage suivant dans une lettre écrite au cours d'une brève maladie. « Je sais que vous êtes bon, mon ami, et je suis pleine de confiance en votre bonté. Pourtant, une affreuse angoisse me prend quand je pense au sort de ce pauvre petit être qui n'aura jamais d'autre nom que le mien, qui est à vous et pour qui vous ne pouvez être qu'un étranger bienveillant. Mon Dieu, que je suis coupable envers elle. Songez à tous les malheurs qui la menacent, à tous les dangers qui l'attendent. Que deviendrait-elle si nous lui manquions l'un ou l'autre ? » Dans la lettre qui venait après, « Vous m'avez rassuré, mon bon ami. J'ai senti que vous aimiez Claire autant que je l'aime moi-même, que vous êtes un appui sûr, quoi qu'il arrive. Oui, je vous crois. Vous ne l'abandonnerez jamais. Vous ne pourriez pas. D'ailleurs, c'est un petit être si délicieux, si parfait. Oh, si je pouvais lui préparer un peu de bonheur au prix de n'importe quel sacrifice. Vous ne savez pas ce qu'il peut contenir de tendresse et de dévouement dans un cœur de mère. Il ne faut pas m'en vouloir, si elle a pris un peu votre place. Elle est maintenant avec vous, au bout de toutes mes pensées. » Soudain, le front de Madame Roger se plissa. Il s'agissait d'elle. « Vous me demandez si je voudrais connaître votre femme. Oh non, mon ami. Je pense souvent à elle, et avec quel sentiment. Il me semble que je lui vole une part de son bien. Je ne sais pas comment je supporterai son regard. Je croirais toujours qu'elle va deviner ce que je suis. Si vous aviez à vous plaindre d'elle, si vous étiez malheureux, ce serait bien différent, je vous assure. Je ne me ferai aucun reproche. Je ne songerai qu'à vous adoucir la vie. Je ferai ce que vous voudriez, tout ce que vous voudriez. Mais ce n'est pas le cas. Je suis ce qu'il y a de mauvais, de coupable, dans votre existence. Jamais je ne me le pardonnerai. » Madame Roger interrompit sa lecture. Ses paroles l'étonnaient. Alors se demanda-t-elle, comment l'a-t-il décidé à venir demeurer chez nous, à s'introduire en mon foyer, à être notre ami ? Avec un sanglot intérieur, elle ajouta, à me faire adopter leur enfant. Les lettres ne le disaient pas. Du reste, à partir du jour où Madame Audry était venue habiter le pavillon, la correspondance se ramenait à des billets insignifiants conservés pourtant avec soin, comme des choses précieuses. Un instant seulement, pendant la saison passée en Normandie, elle reprenait. Un fragment, une phrase jetée au hasard de la plume, établissait qu'à ce moment, il n'y avait plus entre la jeune femme et M. Roger que des relations d'amitié. Pourquoi ? Mme Roger supposa que c'était un sacrifice qu'ils avaient fait d'accord, pour se justifier à leurs propres yeux de leur impudence, ou peut-être pour être sûr d'éviter toute surprise qui aurait séparé le père de son enfant. Son nom revenait à chaque instant dans ses dernières lettres. « Oh, que votre femme ne sache jamais. Je mourrais, je crois, si elle savait. Car elle est bonne, elle est affectueuse, elle m'a accueillie comme une amie, sans le moindre soupçon, sans aucune méfiance. Mon Dieu, qu'elle vaut mieux que nous. Les reproches me tourmentent sans cesse à présent. Je me cherche des excuses, j'en trouve, aucune ne me satisfait. Il reste toujours ceci, que je suis l'ami de celle que j'ai trompée, que j'accepte ses bienfaits, que sa bonté me condamne. » Ce thème revenait sans cesse, mêlé à celui des précautions infinies dont elle entourait sa correspondance. Chiffres compliqués qui changeaient à chaque fois sur les enveloppes, adressées à des bureaux qui changeaient aussi. Recommandations répétées de détruire, de brûler, de ne pas laisser échapper un mot qui peut rien révéler de leur entente. Ainsi, cette femme perdue, mère d'une enfant sans nom, n'était pas entièrement mauvaise. De bons sentiments subsistaient en elle malgré sa chute. Elle souffrait du mal qu'elle faisait. Elle s'appliquait à en causer le moins possible. Elle surveillait avec un soin jaloux, en protectrice dévouée, la paix du ménage qu'elle troublait. Que de sacrifices peut-être dans son existence. Elle acceptait de vivre cachée, humble, sans joie, dans l'ombre de celle qu'elle avait trompée. Elle se condamnait à la plus stricte prudence, non par souci de sa dignité, mais par égard pour le faux bonheur dont elle voulait sauvegarder l'illusion. L'on appelle cela l'amour. Hélas, il est père de la douleur, quand il s'est emparé d'une âme encore noble pour la traîner hors du droit chemin. Madame Roger pensait confusément ces choses apaisantes, puis elle se révoltait de nouveau. Celle-là du moins avait inspiré l'amour. Pourquoi ? Elle ignorait les exaltations que voilait le style retenu des lettres dont elle venait de lire la dernière, et qui lui avait révélé une âme inconnue en l'homme qui lui appartenait, dont elle partageait depuis 20 ans la vie. Elle restait ballottée entre des sentiments contraires, tantôt pitoyable et prête à la clémence, tantôt amère, irritée, le cœur plein de haine. Cependant, l'heure avançait. Elle rattacha les liasses avec soin, les remit en place, ferma le secrétaire et reporta la clé dans la poche où elle l'avait prise. Elle savait maintenant. Elle souffrait. Mais sa certitude valait mieux que ses doutes de la veille. À regarder sa douleur en face, elle la sentait moins vive. Le peu de pitié qui s'y mêlait déjà ne pouvait tarder à l'adoucir encore.